aujourd'hui, le lundi 24 juin 2019. Monte le volume et hume la différence, car c'est parti, mon kiki! Enregistré au studio des Abeilles dans la vieille capitale et diffusé sur CKRL le 89.1 à Québec, la plus vieille radio communautaire francophone au monde vous propose Errance Rénadienne, une émission baroque et désinvolte. Et voici la bête lumineuse, le farfadet du surréalisme, le clown le plus imprévisible dans le cercle médiatique actuel, Rénald Gagné! Il est né un jour de printemps, il était le septième enfant d'une famille d'ouvriers, n'ayant pas peur de travailler. Jean, il a grandi dans un quartier où il fallait pour subsister serrer dans les poings fermés. Autour de lui, il y avait plus petit et plus grand, des hommes semblables en dedans. En mangeant un morceau de pain, il avait vu que le voisin avait quelque chose sur le sien qu'il aurait bien aimé goûter. Comme un million de gens, il a cessé d'étudier, car il fallait pour mieux manger serrer les dents et travailler. Autour de lui, il y avait plus petit et plus grand, des hommes semblables en dedans. Puis un jour, sans pour cela se demander si du moins il pouvait l'aimer. Comme un million de gens, ils ont vieilli dans leur quartier, et leurs enfants pour subsister serrent les dents dans les poings fermés. Mais autour d'eux, il y aura plus petit et plus grand, des hommes semblables en dedans. Beaucoup moins exploité et beaucoup plus communiqué. Se distinguer, se raisonner, s'émanciper, se libérer, s'administrer, se décaver, s'équilibrer, s'évaporer, s'évoluer, se posséder. Ouais. Que fais-tu? Je remplis le temps. Comment fais-tu pour pour remplir le temps? Très simple. Ben, en fait, dans la simplicité, il y a une certaine complexité, hein. Baisse-moi ça, mon Jean. OK. Est-ce que tu captes bien toutes les ondes qui pourraient s'émaner de mon cerveau? Et non, on n'a aucune onde actuellement. Ben, voyons donc, mon cerveau, il est...

pense que deux blondes, pas de rousse. OK. Alors, tu cas quoi? Tu cataca. Monsieur. Ça va bien. Je t'acatacordi. C'est terminé. Catégorie. Oui. Catégorie. Oui. Je t'acatacordi. Pas capable de le dire. Voilà, là. C'est la mâchoire qui me suit pas. Ah ouais, la mâchoire. Ah ouais, la mâchoire. Pompe-la, la mâchoire. Raymond. Raymond, je demanderai à Raymond Coutier de pomper la mâchoire, puis Ghislaine de la tenir bien ouverte, OK? Pour dire on pompe, ah ouais donc. Ce soir, on pompe le mot catégorie pour dire catégoriserai. Je catégoriserai, messieurs. Dites ça vous autres en famille, là. C'est pas facile, là. Là, les gens se moquent, là. Ça se pompe, là. C'est le Québécois moyen qui se pompe. Qui est fou? On m'a laissé tout seul, j'avais besoin d'aimer. Je me suis habitué, solide comme l'Europe, à rouler seul sur terre, à rouler seul sur terre. J'ai besoin que l'on m'aime, j'ai besoin d'être aimé, tellement besoin d'aimer, tellement besoin d'aimer. Ailleurs qu'à l'étranger, elle est venue me dire qu'elle voulait me garder. Quand j'ai fait des grimaces, c'était pour m'en aller. Puis on m'a envahi, là j'ai voulu craquer. J'ai besoin que l'on m'aime, j'ai besoin d'être aimé, tellement besoin d'aimer. Tellement besoin d'aimer. Léger comme une valse, j'ai traversé des villes. En voulant revenir, ici je suis resté. Maintenant je suis seul, en étant entouré. Je n'ai plus besoin d'être, je suis déjà passé. J'ai besoin que l'on m'aime, j'ai besoin d'être aimé, tellement besoin d'aimer, tellement besoin d'aimer. Je suis déjà passé, où je m'en vais peut-être, je reste l'évadé, l'enfant trop libéré. Je reste l'évadé, l'enfant trop libéré, pour l'espace qu'on lui laisse, pour l'espace qui lui reste. J'ai besoin que l'on m'aime, j'ai besoin d'être aimé, tellement besoin d'aimer, tellement besoin d'aimer. Ne m'abandonne pas, ne me laisse jamais plus blesser mon cœur tout nu, offrir mon cœur à nu. Pour l'espace qu'on lui laisse, pour l'espace qui lui reste. Tout est tout. Tout

chanson rock and roll. Aujourd'hui, oui, le lundi 24 juin 2019, les errances rénaldiennes présentent plusieurs routes pour nous et entre nous. Laissons sur la chaussée les valises trop lourdes, les problèmes liés au boulot et aussi boulot. Confions la boussole aux gestionnaires de nos entreprises en manque de direction. Oublions les embarras familiaux, l'école. Bref, apaisons la dure réalité qui attaque notre quotidien. Et pour nous envelopper dans un enchantement narratif, unissons-nous autour de l'artiste multidisciplinaire Aude Massé. Nous commençons cette rencontre cette semaine et nous la terminons la semaine prochaine. Hey, vous voyez, hein, quand je me concentre, je peux faire de la radio réglo! Mais on dirait que c'est pas mon genre. Alors laissons la place à mon ami Aude Massé dans quelques minutes. Et ça commence. C'est déjà commencé! Oh, c'est vrai, t'as bien raison. Alors, place à la musique! Et ensuite, écoutons cette dame extraordinaire. Êtes-vous prêts? C'est un... J'allais dire c'est un début, mais c'est déjà... Allons-y. Comme ça. Tout bonnement. Sans préambule et sans manière. Jouer crécelle, jouer violon. Pas de violon, pas de crécelle. Absolument rien d'autre que deux humains sur la rue des Abbesses en été 2018. Allons-y. Le cœur un peu trop pour tourmenté par celle qui l'aime. Quand il chante, la tienne Manitou. Il s'ennuie de ce qu'il y a pas, fait pas si, fait pas ça. Il s'ennuie de ce qu'il y a pas. Quand il chante, on disait une machine avec l'espace. bien autrement. Et toi, ça va bien? Ouais. Tu te lèves tôt pour le... Bonjour. Tu te lèves tôt? Non, il se lève à 7 heures, tu vois, ça va. Ah, c'est pas mal. Franchement, Mais ça commence déjà... Oh là là là là. Oui, hein? Il a 4 ans, là. Oh. Mais il est hyper speed. Ah oui, mais comme beaucoup d'enfants, hein? Comme moi. Ah, comme toi, hein? Mais en même temps, c'est un métier qui te demande ça. C'est pas facile. Faut pas s'arrêter. Non. Donc, t'es un pote de Brigitte? Ben oui! Ah ben oui, entre autres. Je l'ai rencontrée l'année dernière. Elle m'a fait présenter... Ben, elle m'a présenté une bonne vingtaine de comédiens et comédiennes. Toi, t'as été à son école? Ouais. OK. Oui, je travaille avec Elsa Saladin. OK. Que tu as vu l'été dernier, je crois. Okay. Oui. Oui, je pense que c'était l'été dernier. Moi, j'ai pris orange et citron pressé. Pas mal. Oui. Parce que juste citron pressé, c'est... En même temps, la nuit a été difficile. OK. Ah. Le citron pressé, c'est pas mal. C'est un bon détox. Ouais, vas-y. Mais jamais du sucre. Ah oui, c'est ça, pour aider la chose. Donc, tu as travaillé avec Brigitte assez longtemps? Merci. J'ai pas travaillé à l'extérieur de l'école encore. Okay. Mais on prévoit de faire un projet ensemble l'année prochaine. On voudrait faire Sodome Madouce de Laurent Godet. Oui. C'est un texte. C'est la parole d'une femme qui est un peu. Qui renaît de ses cendres, comme la ville de Sodome. Tu vois. C'est une métaphore. Mais on fait ça avec un musicien, un ami musicien. Il s'appelle Joe Zegma. Okay. Je sais pas si tu l'as rencontré. Non. Mais... Mademoiselle, fait juste le citron ou orange également? Non, que le citron. Que le citron? Seul orange, c'est... Merci. Mais le fait d'amener un musicien sur scène, c'est intéressant, puisque ça peut amener l'atmosphère. En fait... Je travaille toujours avec de la musique. Ah oui? J'adore. Mais parce que quand je suis sortie de l'école, j'ai fait un peu de mise en scène. Ce que je fais toujours, hein, d'ailleurs. Et la musique, ça, c'est imposé. Okay. C'est-à-dire que pour moi, ça transcende tellement le sentiment que parfois, quand t'as pas de mots pour décrire ce que tu ressens ou ce que tu vis, La musique elle parle pour toi. Elle comprend. Ouais. Est-ce que tu préfères enseigner ou te produire sur scène? Quelle est la différence entre les deux? Moi, j'enseigne pas du tout. Par contre, je fais juste. Ah oui, travailler avec Brigitte à l'école en tant que comédienne et elle prof, tu vois. Okay. Et l'année prochaine, elle sera à la mise en scène et moi au plateau. J'enseigne pas et dans les mises en scène, En fait, j'ai un rapport très différent aux deux métiers. Ouais, parce que tu joues, donc tu peux faire les... Tu peux voir les deux. Ouais, c'est-à-dire que quand je joue, j'ai un rapport évidemment un peu de... aussi de laisser aller, de me laisser guider et puis de faire ce qui vient. Et ouais, et la mise en scène, j'ai plus un truc d'impact social qui m'importe. C'est-à-dire que pour moi, la mise en scène, c'est un endroit où je peux placer mon métier pour faire quelque chose d'important, à mes yeux, en tout cas. Donc par exemple, avec Elsa, on a fait le journal de Blunka, qui est un spectacle pour enfants, qui tourne depuis 2013. Et on va dans les écoles, tu vois, on va pas dans les théâtres. Je vais dans les écoles parce que je suis sûre de voir un maximum d'enfants, même si tous les enfants ne vont pas à l'école, malheureusement. C'est un début. Tu peux déjà commencer à... Voilà, c'est-à-dire que... Tu peux déjà commencer à construire quelque chose. Ouais. Et on fait la pièce et après on a un échange avec les enfants. Et ça c'est génial, tu vois. Mais j'adore, j'ai fait un opéra où j'étais comédienne et on était à Lille pendant 3 semaines, 1 mois. Avant il y avait les répètes et tout. Et je m'occupe de rien. Ouais, c'est ça, c'est plus confortable. J'ai ma partition. Mais déjà là, c'est... Tu vois. C'est un stress en soi, mais c'est autre chose. C'est un autre endroit. Tu dois te délivrer au lieu de voir à tout ce qui... Ouais, la logistique de mise en scène, elle est énorme. Ouais. Et surtout avec très peu de moyens, souvent, tu complètement, une pièce de théâtre, bien sûr. C'est hallucinant. Oui. Il faut quand même trouver, au lieu d'avoir des accessoires, une lumière qui va... Sur les petites productions, une multicasquette de dingue. Parce que quand tu commences, tu essayes de trouver un peu d'argent. T'attaques les répétitions, pas forcément payé au début. Après, bon, on est habitué. Hein. Mais savais-tu que chez nous, il n'y a pas si longtemps, que toutes les répétitions au théâtre étaient, étaient non rémunérées. Donc les gens. Ah ouais. Jusqu'à la représentation. Jusqu'à la première représentation. Et ça fait pas si longtemps, ça fait même pas 10 ans. C'est ouf. Ouais. Après, c'est vrai que il y a un côté ingrat dans le métier, tu vois, par rapport à l'argent. Ouais. Surtout au théâtre, où il y a des écarts énormes, justement. Ça parle encore un peu de l'art de la scène, parce que si tu compares peut-être un chanteur... Ouais, enfin, tu me diras, je crois que le pire, c'est le cirque. Oui, ou la danse actuelle. La danse. Ah oui, la danse, c'est par rapport un peu comme la poésie en littérature. Ouais, la poésie. La danse, oui. Puis c'est tellement sublime, mais en même temps, s'il n'y a pas trop de personnes, on a peut-être enfermé la poésie dans un élitisme qui fait peur. Ouais. Je pense que, après, les gens, ils ont peur de lire, de toute façon. Oui. C'est vrai. Ben, ouais, aujourd'hui, avec Internet, ouais. Une image, on veut plutôt être gavé d'image que... Ouais, c'est ça. C'est plus facile. Bon, tu me diras, moi, la première, je consomme énormément de films. Hein. De films, de séries, j'adore. Mais après, j'ai trop besoin de mots, quoi. Oui. Mais la poésie, justement, plus que des romans, par exemple. OK. Ouais, beaucoup plus. Et je sais pas pourquoi. Ben, parce que la poésie peut-être naît en nous, après la lecture. Hein. Il y a quelque chose qui se passe après. Parce que, c'est salvateur. Oui, puis c'est aussi le petit côté explosif des mots qui est raconté. Un roman, il y a beaucoup de mots pour décrire, tandis que la poésie, on essaye de rassembler et de créer beaucoup plus d'images. Et toi, lorsque tu joues, qu'est-ce qui te fait choisir une pièce? Parce qu'il y a tellement de pièces qui existent. Alors, quand je joue... quand je veux la monter. Ouais. Quand je veux monter une pièce, écoute, je vais faire sur l'expérience. La première, c'était évident, c'était un Marivaux, parce que c'est un de mes auteurs préférés. OK. Qu'est-ce qui t'allume chez lui? Qu'est-ce qui te... Ben, en fait, il me fascine parce que il avait tout compris au sentiment humain. Ah oui. Il a tout compris au sentiment humain, et avec les comédiens, vraiment, on relisait la pièce, on disait, ben oui, mais ça n'a pas changé. Ça n'a pas changé, le rapport des hommes au sentiment amoureux. Les hommes et les femmes se cherchent, femmes et femmes, hommes et hommes, on est toujours dans cette confrontation, essayer de comprendre l'autre. Et là-dessus, il avait une sorte de génie, tu vois, la jalousie, ou quand tu dis à quelqu'un, je pense que tu lui plais, tout ça, et l'autre commence à se poser des questions, et en fait, t'as mis une graine. Il y a un truc... vraiment qui est très fascinant chez cet auteur, et le langage est hyper contemporain, finalement. Très accessible. Ouais. Faut beaucoup travailler pour que ça descende, que ça se digère. Et que ça coule de source. Sinon, c'est éloigné de nous, on a la sensation que c'est éloigné de nous. Alors que quand les acteurs réussissent à bien manger et digérer la chose, d'ailleurs ce spectacle on l'avait monté en, je sais pas, 2009 ou 2010, et la dernière, c'était en 2014. On ne le jouait pas beaucoup, peut-être 4-5 fois par an, tu vois. Mais c'était incroyable comme ça avait changé. Comment c'était descendu. Ah oui. Ouais. C'est vrai qu'en en faisant si peu, en 3-4 ans, la pièce reste en nous. Donc oui. C'est quelque chose qui... Oui. Et les acteurs, ils aimaient beaucoup cette pièce. On avait fait La Surprise de l'amour. OK. Et ils avaient vraiment... un plaisir, des mots, donc voilà, le show de Marivaux, c'était ça, parce que c'était vraiment, j'adorais. Je pourrais monter du Tchekhov, mais j'ai peur, parce que c'est mon auteur russe préféré. Ok, tu veux pas trop te... Ouais, je crains de le faire. Éventuellement. Ouais. Les trois sœurs, quoi. Ah oh, bah oui, classique. J'adore. Même au cinéma, le film est extraordinaire, le film de 90, je crois, 91, ça. Réalisé par un Polonais, monsieur. Ouais, je cherche. Oui, mais c'est extraordinaire. Puis de toute façon, le monde russe, tu as les yeux noirs, tout ah, ça. Ah oui, c'est bon, ça, oui.

assez jouer gros. Les Nuits Blanches de Dostoïevski, ça a été mon plus grand. Moi, je l'ai écrit celui-là, j'avais 14 ans. Ah ouais, ah non, mais ça marque en fait. Ah, hein. C'est bon. Ah, oui. C'est dingue. Ah hein. Oui, les Suédois. Il y a même un groupe de musique. C'est l'album. Ah, ben j'ai vu en live. Moi aussi. Ils sont venus au Festival d'été, c'était incroyable. Ah non, mais ils sont fantastiques. Ah, c'est vraiment. Ouais, merci. Et puis, toi, qu'est-ce qui te fascine dans le théâtre pour avoir choisi cette... Est-ce que tu allais souvent au théâtre, petite, ou... Non. Non, non? Non. Je pense que quand même ce qui a déclenché le truc, c'est qu'à tous les Noëls, avec mes parents, tous mes cousins, cousines, on faisait un spectacle pour des personnes âgées. Ah, pour des personnes âgées? Ouais. On faisait partie d'une asso. Ah. On passait tous nos Noëls en famille à faire des spectacles pour des petits vieux, quoi. J'adorais ça. Ah, c'est bien. Ça a duré dans le temps, très longtemps. Et vous écriviez tout ou vous pigiez? Ouais, non, on écrivait tout. Et on replaçait des choses de leur époque qui faisaient des valses de Vienne. Ah ouais, ok. Mon père se retrouvait qui leur à faire. Quand même, ouais, santé, ouais, ouais, exactement. Et d'ailleurs, j'aime toujours ce rapport aux vieux. J'adore les vieux. Tu connais la chanson. Les vieux de Brel. Alors il y a Brel et il y a la chanteuse Camille qui a fait Mon petit vieux, elle s'appelle comme ça. Ah, sur son nouvel opus Le film. C'est sûr. Le sac à filles. C'est sur le fil, je pense. Le fil. Ouais, parce que le premier, c'est le sac des filles. Oui, le sac des filles. Après, c'est le fil. Oui. Ah, et le veillou, tout ça. Mais il me touche, mon petit vieux. Tu la connais pas? Ah, mais c'est pas là-dedans. Parce que j'ai le fil, puis... Puis ça s'appelle Le Petit Vieux. Ou alors, c'est dans Il Love You, mais ouais. Je crois pas. Hein. Ah, mais en tout cas, je parce qu'Il Love You, c'est tout en anglais. Oui. Ah, mais je regarde. Ah, ouais, c'est magnifique. Ok, ah, ouais. Donc il y a eu ça, okay. Et après, je sais pas, j'ai débarqué en seconde au lycée, j'ai attaqué le théâtre, et le premier truc que j'ai dit à mon prof, c'est « oui, je vais être comédienne », voilà. J'avais jamais fait de théâtre vraiment, j'avais pas pris de cours, mais c'était un moyen d'expression qui me paraissait évident. J'avais fait 15 ans de danse, j'avais fait 12 ans de piano, classique, mais classique, variété, tout ça était très loisir, tu vois, il n'y avait pas du tout de... C'était relax. Ouais, je n'ai pas fait de conservatoire ou tu vois, il faut... Mais tu peux quand même lire une partition. Oui, ça va, moi je mets un peu de temps, quoi. Ah oui, mais au moins. Voilà. Tu sais, c'est pas du hiéroglyphe, c'est quelque chose que tu peux saisir. C'est pour ça qu'au théâtre, tu vois, si tu veux, tu peux dire à quelqu'un, j'ai trouvé la partition de ce que tu pourrais jouer avec nous sur scène. Non? Non. Quand même pas. Okay. Il faudrait vraiment un temps de. Je peux pas le faire genre comme ça. Ah non, ok. Je vais rentrer chez moi. C'est ça, je vais réfléchir. Je vais bosser. Et voilà. Et puis toi, le théâtre est venu à toi lorsque tu étais ado? Ouais, voilà, c'est ça, la seconde, tu vois. Donc. 16 ans. 15 ans. Ben, nous, ça fonctionne pas comme ça, c'est pour ça que. Ah oui. C'est ça, ouais. À peu près. Et en fait, après le lycée, je voulais partir en école de théâtre déjà. Et confrontation avec les parents. Ah oui? Ouais. Puis les parents devaient trouver ça moins drôle, une fille comédienne? Je pense qu'ils ne voulaient pas m'empêcher parce qu'ils se disaient si c'est ça. Mais ils avaient peur de l'insécurité du métier. Bonjour. Évidemment, c'était une forme de protection. Donc, moi, je pense que je regrette de ne pas avoir eu le courage de dire bah tant pis, j'y vais quand même. Okay. J'aurais aimé être 3 ans plus tôt sur le terrain. Okay. Et en même temps, je suis fière de ne pas avoir brisé mon lien avec ma famille que j'adore, ouais. Donc j'ai fait, j'ai une licence en médiation culturelle et communication. Pour faire plaisir aux parents. Pour faire plaisir aux parents, voilà. Après, bah, j'ai comme j'avais pas envie d'être malheureuse, c'est pas ma façon de voir le monde, tu vois. Tu tires profit de créer du beau, tout ça. Bon, j'ai passé ma vie à l'atelier théâtre. Ouais, mais c'est bien. De l'université. C'est bien, c'est bien. C'était aussi une formation où il y avait du son, de la photo, de la vidéo. Ça englobait tout. Il y avait, voilà. Bon, il y avait aussi du management, hein, mais voilà. Bon, c'était quand même assez global. Ouais. Et je suis partie en Espagne aussi. J'ai vécu en Espagne 6 mois. Oh. Et ça, c'était génial. Pour apprendre l'espagnol? Ouais, pour Erasmus, en fait. Je continuais mes études, mais là-bas. En espagnol? En espagnol. fantastique. Non, mais comment ça s'est passé, l'espagnol là? Ben, je le parlais déjà très bien à l'école. Ok, ok. Ah, j'ai toujours adoré. Ah, c'était talent de seconde. Ouais, j'ai commencé l'espagnol en cinquième. Tu vois, le collège. Donc, j'en avais déjà fait 10 ans. T'es au lycée. Ça faisait déjà 10 ans au lycée que j'en faisais. Ouais, c'est ça. Qu'est-ce qui te plaît, ouais, la langue espagnole? En fait, c'est toutes les langues étrangères. Ok. Mais particulièrement espagnol, anglais. J'ai fait 3 ans d'arabe aussi, mais c'est long, c'est long. Pour moi, en fait, ça résoudrait beaucoup de conflits humains. Oui. Parce que quand tu parles la langue de l'autre, c'est vrai, la langue elle traduit un sentiment aussi. C'est une façon de culture, de dire ce que tu as à l'intérieur, dans ta tête mais dans ton corps aussi. Il y a des mots, ouais. Il y a des mots qui n'existent pas dans ta langue, qui n'existent que dans la langue de l'autre. Tu vois, en portugais, saudade, c'est le fait de il y a quelque chose qui te manque. Et en poésie, c'est beaucoup utilisé par exemple, saudade. Et nous, on n'a pas un mot en français qui veut dire ça, tu vois. J'adore. Ouais. C'est ça que j'aime dans les langues étrangères. Et l'Espagne, je suis fan du pays parce que j'aime leur chaleur, j'aime la langue. La langue me fait rêver. Ouais. Et après, quand tu as décidé vraiment de faire carrière dans l'art dramatique, est-ce que tu te considères plus comme... Est-ce qu'il y a une différence entre comédienne et actrice? Moi, je fais une différence un peu bête et méchante. Pour moi, une comédienne, elle est essentiellement au théâtre. Et une actrice, pour moi, c'est vraiment le cinéma, la télé. Ok. Mais bon, je sais pas si c'est très valable comme définition. Mais c'est vrai que moi, j'ai plutôt tendance à dire que je suis comédienne. J'aurais du mal à dire que je suis actrice, quoi. Ah, ouais. Par contre, je rêve peut-être d'être actrice. C'est plus payant, hein, peut-être aussi. Ouais. Oui. Donc, lorsque tu as commencé à apprendre un peu les rouages de l'art dramatique, qu'est-ce qui te faisait dire, il me semble que ça, là, c'est vraiment ma branche, je me sens confortable, je me sens avec les miens, parce que c'est important de se sentir appartenu. Bah, l'école, pour ça, Claude Mathieu, Papy Claude, c'est un maître, mais c'est pas un gourou. C'était vraiment quelque chose de très affectueux, de très beau. Quand tu rentres dans l'école, il y a écrit ici droit à l'erreur, tu vois. Tout était dit. Et à côté, il y a une phrase de Jouvet qui dit le comédien vaut l'homme, et tant vaut l'homme, tant vaut le comédien. Donc, tu as quelque chose de très humain. Ouais, c'est de ramener vraiment. Et à chaque fois qu'on... J'en parlais hier, j'ai passé ma journée avec les Claude Mathieuziens. Oh oui, oh. Sur un événement, sur un événement qu'on va faire à Versailles. Et on se disait en fin de journée, mais mon Dieu, mais c'est dingue, on parle pareil, quoi. On a un champ lexical qui est le même, et quand on travaille, du coup, c'est hyper efficace. Il y a un temps d'adaptation qui est très court. Donc cette école-là, déjà, elle te donne une famille, c'est un peu une mafia, quoi. Et après, vers quoi je vais, c'était ça que tu m'as dit. J'adore la comédie, mais vraiment poussée, c'est-à-dire un peu décalée. J'irais dans des univers absurdes, les déchiens, quoi. Tu vois, les déchiens. Vraiment me salir, me transformer, jouer les hommes, les vieilles et les vieux. J'adore. Et sinon, totalement, presque à l'opposé. Bon, je pense que c'est totalement à l'opposé, mais la faille, c'est-à-dire. C'est pour ça que j'aime les auteurs russes, c'est que... Très puissant. Ouais. C'est-à-dire que c'est toujours... c'est, tu vois, c'est toujours, ça va très bien, ça sourit beaucoup et ça se casse en deux, quoi. Ça déroge, ouais. À un moment donné, ça fuit. Voilà. Il fallait 2 semaines quand la glace s'était en allée. C'était déjà l'hiver, les grands froids nous mordaient les pieds. Impossible de s'en aller. C'était déjà Noël, le nouvel an montrait son nez. Tous les hommes voulaient s'en aller. Le diable guettant, comme un rapace son gibier, va leur offrir tout un marché. Dans un canot, dans le plus grand que vous ayez, installez-vous là sans bouger. Quand minuit sonnera, il s'élèvera pour t'emporter. Mais si l'un d'entre vous, après la fête terminée, manque le bateau, vous périrez. Et chez le grand Satan, vous irez brûler, ignorer. Le canot s'éleva, jusqu'au ciel ils furent emportés, jusqu'à leur village tant aimé. Chacun revint, une fois la fête terminée, sauf le dernier, sans y penser. RLMF, le 89.1 à Québec, avec Reynald Gagné. Je suis infidèle. La musique m'appelle, l'amour m'envahit. Les forêts me hantent, le spectacle m'enchante, et j'aime sans bruit faire le tour du monde qui m'entoure ici. Je suis l'infidèle qui vous appelle du fond de la nuit. N'ayez plus de peine, vivez libre, sereine. Aimez-moi comme je suis. Si je suis la peine, dites-le moi vous-même. Même si je vous aime. Thank you. musique m'appelle et je suis infidèle car l'amour m'envahit. Au spectacle où je chante, ces forêts qui m'enchantent, où l'on aime sans bruit. Je suis l'homme d'en face, un enfant d'espace, pour un bout de vie. Je voudrais être ce que j'aime, pour aimer ce que je suis. Je voudrais être ce que tu aimes, pour être en toi aussi. Et faire le tour du monde qui m'entoure, aimer des amis, retracer la trace de ceux qui m'embrassent, retracer leur trace. Se dresse, il y a quelque chose qui se passe et tu veux plus te concentrer sur, sur une orientation en art dramatique qu'un autre, soit la mise en scène, le jeu. Non, parce que le métier est trop difficile pour que je ne suis pas encore au moment du choix. Non, tu vois. Non, non. Alors tu prends tout ça. Je prends avec ce qu'on me propose, avec ce que je trouve par moi-même, et j'essaye de dessiner quelque chose de sensé. Mais il y a les moments où tu es obligé d'accepter parce que juste t'as envie de bouffer, t'as le fiston, tout ça. Ouais. Mais le travail que tu fais depuis une petite quinzaine d'années, à peu près 10 ans, ouais. Une bonne dizaine d'années, est-ce que tu vois qu'il y a eu une évolution ou qu'il y a un intérêt marqué pour des sites précis, pour des... Peut-être une ouverture plus féministe ou... Ben, ça rejoint un peu ce que je disais tout à l'heure par rapport à la mise en scène, c'est-à-dire que j'essaye quand même d'être dans des projets avec un engagement, mais même s'il est juste dans une pièce, je dirais même Tchekhov quelque part il est engagé parce que il sauve les hommes avec ce qu'il raconte, quoi, tu vois, et que je pense que ce qu'on fait c'est essentiel, on en a besoin de la culture, on peut la développer la culture, mais j'aime aussi l'idée du divertissement pur. Simplement. Ouais. Oublier les tracas familiaux. Ouais. Rions, quoi. Ouais. Parce que t'es tellement bien, tu vois, c'est la meilleure thérapie quand tu te marres. Et surtout quand tu suscites le rire, tu sais, ah ben là, on a eu raison de faire ça. Ouais. On a eu raison oui. de. Oui. Pourtant, je suis contente aussi quand je les ai fait pleurer. Ah oui, effectivement. Mais les bon, faire voyager en même temps. Il y a l'engagement, oui, oui, le féminisme, c'est sûr. Mais aujourd'hui, c'est compliqué pour une femme de ne pas être féministe. Bah, c'est ça, j'ai tu vois, c'est-à-dire qu'en plus, si tu l'es, on est obligé d'être ultra parce que là, ça y est, c'est bon. Alors, faut y aller. Oui. Bien sûr. Bien sûr, dans mes choix de vie, dans mes conversations avec mon compagnon. Il faut chercher ensemble, ça urge. Il y a l'écologie, l'équité et les enfants, quoi. Puis surtout avec un enfant de 4 ans, tu veux que cet enfant-là ait le meilleur. Oui, bien sûr. Et puis je lui souhaite de rencontrer des gens formidables qui vont être aussi eux là-dedans. Je me dis, c'est pour ça que aussi dans mon travail, La mise en scène, j'aime bien quand c'est pour les enfants, parce que comme après on fait des échanges et tout ça, j'ai l'impression d'avoir mis ma petite graine quelque part. On verra, mais je me dis, il faut s'occuper des enfants, parce que c'est eux qui vont faire le monde de demain. C'est l'adulte de demain. C'est vraiment bête et méchant, mais mon Dieu, tu vois. C'est pour ça que je suis un peu chiante avec l'école, mon fils toujours là. Qu'est-ce qu'ils font? Est-ce que tu proposes souvent tes services pour le parascolaire, monter des pièces de théâtre avec ton... J'ai fait pendant un moment, mais pour moi, les ateliers périscolaires ne sont pas bien gérés dans notre système. C'est-à-dire que c'est trop court. Okay. On a trois quarts d'heure avec les enfants. Ah ouais. Alors maintenant, je crois qu'ils ont un peu plus. Mais moi, je trouvais que c'est... On leur demandait de courir pour arriver à un endroit dans l'école. Hein, Mais il fallait vite quitter la récré pour aller à l'atelier. Le temps d'installation, bah, ils sont encore dans la dynamique. On peut pas se poser, réfléchir. Voilà. Réfléchir, c'est important. Donc, il faut se poser pour réfléchir. Ils ont besoin de temps, les enfants. On ne peut pas les presser comme ça, trois quarts d'heure. Donc non. Ça t'abandonne. Ouais. Mais tu fais tourner la pièce dans les écoles, échanger avec les enfants, ça oui. Et l'intérêt d'entendre les enfants de poser des questions, es-tu toujours surprise par les questions qu'on pose? Ben, ça dépend beaucoup de leur âge. Nous, la pièce, pour parler du journal de Blumka, on est à peu près 4-9 ans. Donc... on sent selon parfois les milieux sociaux, les arrondissements où on va, des grandes différences de curiosité. Ils ne sont pas curieux des mêmes choses. Ils n'ont pas les mêmes besoins. Parfois, ils ont besoin d'être rassurés parce qu'ils n'ont pas bien compris quelque chose. Il y a une question qui revient souvent, c'est pourquoi la comédienne est toute seule sur le plateau alors qu'il y a 12 personnages. Et ils sont dessinés, en fait. C'est des enfants qui ont fait les dessins de la mise en scène. Et ils demandent souvent ça, pourquoi elle est toute seule. Donc on leur explique que venir à 12 dans une école, c'est absolument impossible. Surtout, non, mais la première fois que tu as entendu cette question-là, as-tu sursauté? Tu as trouvé ça intéressant? Non, on rebondit toujours positivement parce qu'il faut accueillir la question comme elle vient et tout ça. Mais on a aussi des enfants qui peuvent nous dire, mais pourquoi il y a un trou dans le pot de fleurs? C'est tout. Donc on va parler un peu du pot de fleurs, tu vois. C'est un prétexte à échanger. À discuter, oui, c'est ça. Et puis après, t'en as un qui te dit, vous avez parlé du droit des filles et des garçons, mais moi je suis pas d'accord, on n'a pas les mêmes. Et là, c'est notre sujet, donc on plonge. On plonge. Parce que la pièce, elle aborde des thèmes hyper, hyper importants par rapport à la Convention des droits de l'enfant. Ok. Ouais. Donc, c'est des réflexions sociétales. En fait, la pièce, elle est polonaise. Enfin, le livre. Et elle parle d'un type qui s'appelle Janusz Korczak, qui est en fait le père spirituel de la Convention des droits de l'enfant. Okay. Et dans son... Il avait des orphelinats. Et cette petite fille raconte ce qui se passe dans les orphelinats. Quand ils avaient envie de se battre, ils devaient réfléchir une semaine. C'était au départ interdit de se battre, il fallait réfléchir une semaine. C'est vrai ça ? Oui. Et il a fait plusieurs orphelinats, surtout en Pologne. Je crois qu'il y en a un dans un autre pays de l'Est, mais il faudrait vérifier. À quelle année ça ? Eh bien écoute, il est mort. En 1945, dans 1945, dans les camps de concentration, puisqu'il a accompagné les enfants. Les 200, les 200 enfants de l'orphelinat sont morts avec lui. Donc ça, on a fait un choix qui était important pour nous, de ne pas en parler. Parce que 4-9 ans, ils sont tout petits quand même. C'est un sujet très délicat, il faut prendre son temps, il faut avoir du temps, il faut que les instituts aient le temps d'en parler avant et tout ça. Donc, pour une préparation, si, une grosse, grosse préparation sur ce sujet-là. Donc nous, on ne l'aborde pas du tout ça. On ne parle que de la pièce et des droits que Janusz Korczak avait mis en place pour les enfants. Et donc voilà, ils avaient le droit de se bagarrer, c'est vraiment au bout d'une semaine, ils n'y arrivaient pas. Il y avait des points. Il y avait des points pour ne pas taper trop fort. Et tu pouvais faire bagarre modérée, bagarre acharnée, petite bagarre. Oui. Oui, bien sûr. Et ouais, ils avaient des panneaux de remerciement ou de plainte. Ils avaient un tribunal d'enfants. Donc quand il y avait un problème, ils allaient au tribunal et chacun disait ce qu'il ressentait. Et après, les enfants votaient en disant, bah nous, on pense que ce serait bien qu'ils fassent ça, etc. Non, mais ça, le type est hallucinant. Ah, mais ça, c'est de considérer l'enfant comme un adulte. Comme une personne. Comme c'est, une personne à part entière. C'est sa base. Ah, c'est fou. C'est vraiment sa base de travail. Dis, mais... Est-ce que c'est perdu? Est-ce qu'on utilise encore cette façon de travailler? Bah, je pense qu'il a inspiré beaucoup de gens, un peu comme plein de grands pédagogues, mais il n'est pas assez connu. Non, il n'est pas assez connu. Il est... Tu vois, Montessori a laissé une trace, Dolto a laissé une trace, Steiner, ça, vraiment... Oui, mais je trouve que ça, cette façon de voir là, c'est énorme, la société des amours, c'est ça exactement. Il a organisé... C'est un monde en soi, c'est un univers en soi. Et il a écrit un bouquin qui s'appelle Mathias Ier, et c'est un gamin qui crée une république pour les enfants. Donc il était vraiment à fond là-dessus, quoi. Il était médecin. Oh. Il était médecin. Mais c'est fou, la fin de la vie. Ouais, non, c'est l'angoisse, là. Est-ce que tu as l'intention de ressortir cet aspect-là en proposant ça à des enfants plus âgés? On nous le demande. On commence à pas mal nous le demander. Il faudrait recréer un autre spectacle. Créer, puis surtout de connaître l'angle dans lequel tu vas. Voilà. Parce que... Je suis infidèle, la musique m'appelle, l'amour m'envahit. Les forêts me hantent, le spectacle m'enchante, et j'aime sans bruit faire le tour du monde qui m'entoure ici. Je suis l'infidèle qui vous appelle du fond de la nuit. N'ayez plus de peine, vivez libre, sereine. Aimez-moi comme je suis. Si je suis la peine, dites-le-moi vous-même. Même si je vous aime, la musique m'appelle et je suis infidèle, car l'amour m'envahit. Au spectacle où je chante, ces forêts qui m'enchantent, où l'on aime sans bruit. Je suis l'homme d'en face, un enfant d'espace pour un bout de vie. Je voudrais être ce que j'aime pour aimer ce que je suis. Je voudrais être ce que tu aimes pour être en toi aussi. Et faire le tour du monde qui m'entoure, aimer des amis, retracer la trace de ceux qui m'embrassent, retracer leur trace. Pretty. toi fais pas ça, tu peux pas rentrer là. T'as pas cravate, y'a toujours un portier pour venir t'annoncer que ça peut pas aller, que son patron veut pas, que c'est pas de sa faute comme ça, tu comprends ça. Y'a plus personne de déguisé en oiseau qu'on appelait des anges. Il reste que des petits robots qui pensent, ouais, ouais. Yeah, yeah, yeah, yeah. Reste pas là sur le sofa, ça se fait pas, t'es bien trop vieux pour être. Écoute pas, fais pas ça, tu peux pas rentrer là. T'as une cravate. Bon salut les frustrés, j'aime mieux m'en retourner aux caresses des femmes, ton restaurant chromé, ton petit club privé, tu peux garder. Y'a plus personne de déguisé en oiseau qu'on appelait des. Tu peux pas rentrer là, t'as pas cravate. Toujours les mêmes discours qui nous viennent de la basse-cour. Les préjugés, c'est plate. C'est jamais temps pour ça. Trop vieux, trop jeune, pourquoi explique-moi pas. Y'a plus personne de déguisé en oiseau qu'on appelait des anges. Cette pièce et d'aller jusqu'au bout et du parcours de faire deux versions, ça. Voilà. Pour les 4-9 et pour les. Et carrément après, ado. Mais je trouve quand même que le vocabulaire du livre est assez enfantin. Donc il y aurait vraiment une grosse adaptation à faire, qui est possible. Mais je ne sais pas si. Je sais pas si j'ai l'envie encore. Ouais, c'est parce que ça c'est tellement dur et ouais, tu vois. Il faut en parler et comme plein de sujets terribles et d'injustices et tout ça. Et je pense qu'il y a plein de gens extraordinaires qui le font déjà, qui se déplacent. Il y a plein d'associations. Et peut-être il y que. Il y en a pas assez. Tu crois ? Je sais. Non, mais je pense que c'est bien que ce soit eux qui le fassent, quoi. Non, mais il reste encore beaucoup d'homophobie. Il reste beaucoup Et c'est fou. C'est dingue. J'ai vu sur Facebook, après les marées, il y a un couple de monde qui se sont fait inscrire sur la porte d'entrée, salpêter sur leur porte, dans un immeuble. Non, mais c'est délire. Ah, c'est fou, hein. Ouais, puis je pense qu'il y en a qui se font tabasser tous les jours. Ah, c'est, ouais, en 2010, si tu connais, il y a un artiste qui s'appelle Stéphane Corbin, qui a créé un collectif qui s'appelle Les Funambules. Et ils chantent, mais ils sont allés à Montréal, là, je crois. Ils reviennent de Montréal. Ah, peut-être aux francophonies. Peut-être, ouais. Ils ont fait une grosse tournée. Oui, j'ai reçu. Et ils chantent. Oui, c'est à Montréal, aux francophonies, j'ai reçu un message Facebook, tu sais, interne, là. Oui, oui, avec Messenger, leur, là. Avec leur publicité, oui, Montréal, oui, francophonie, oui. Et ils redonnent tous les bénéfices à des associations contre l'homophobie. Pourquoi ils ont utilisé, j'explique l'homophobie, hein? Pourquoi ils ont utilisé ce mouvement-là, l'homophobie, ou du racisme, ou... Ben, Stéphane, lui, il est homo. Okay. Et il voit la justice qui pille. Ouais, il a eu un moment donné, il n'en pouvait plus, et puis... c'est un rassemblement surtout pour donner de l'amour, quoi. Ouais. C'est surtout ça. Et donc il se dit, à un moment donné, il y a quand même des gros soucis encore qui on a presque l'impression que ça se cristallise, quoi. C'est terrible. Et si quelques années, ton fils te dit, maman, j'aime les hommes, qu'est-ce que tu... Bah, moi j'aime les femmes, alors. Ouais. Tu vois, qu'est-ce que je pourrais lui dire? J'ai rencontré Damien, mon compagnon, je suis avec Damien depuis 10 ans. Mais j'aurais pu rencontrer quelqu'un d'autre, tomber amoureuse de quelqu'un d'autre. D'ailleurs, je suis tombée amoureuse de femme. Non, mais est-ce... Et si lui, il me disait, si Eugène, il me disait... Non, mais est-ce que tu le préviendrais de tout ce qui se passe? Tu le... Ouais. C'est ça, mais... Bah, je pense que malheureusement... Il va s'en rendre compte déjà en grandissant, alors peut-être que les questions viendront de lui. Pour toi, tu serais déçu de voir autant de difficultés à franchir. Tu serais peut-être un peu déçu de ce côté-là. Parce qu'il va en souffrir. Après, un peu. C'est sûr que c'est. Il y a des souffrances énormes dans ce domaine-là, et après, je me dis que. Ça malheureusement, en fait, malheureusement, j'ai l'impression que de toute façon, des souffrances, il va en avoir. Tu vois, le monde est hyper. Je crains pour lui que si c'est pas ça, ce sera autre chose. Enfin là, le monde est dur, quoi. Donc c'est... Du taxage, ici, ce qu'on entend beaucoup parler dans les écoles, du taxage. Ah, le racket? Ah ben, c'est de quoi, faire voler, c'est... Ouais, ok, nous autres, on appelle ça, tu te fais voler tes... Ouais, je sais pas, là, tes souliers, tu fais enlever la casquette parce que c'est ça, bah, c'est du racket, ouais. Mais nous, là, il est en maternelle, donc c'est vrai qu'on n'a pas encore tout ça, mais... Mais oui, on entend plein d'histoires. C'est fou, comme hein? Ça. Bien sûr. Tu peux pas acheter quelque chose de trop beau à ton fils parce qu'il va se le faire voler. Oui, c'est ça. Après. C'est une micro-société, hein, ça va montrer ce qu'elle veut faire. Je pense que sur le rapport à l'autre, de toute façon, dans les écoles, c'est le plus gros travail des instituts, quoi. C'est-à-dire que. Avec le travail que font les parents chez eux, qui est essentiel, d'éducation, les instituteurs, les institutrices, ils ne peuvent plus que être dans l'instruction. Ils ont un rôle d'éducateur énorme. Ils font les policiers aussi, ils font tout ça, ils font les psychologues. Ils font bien sûr. Et encore, on a des écoles où justement, maintenant, il y a des psys, c'est fou, hein, des infirmiers, tout ça. Mais tu sens que... Alors... En fait, je pense que le monde a toujours été fou, un peu fou et chaotique, tu vois, mais comme on est très informé maintenant. Ouais, c'est ça. Avant, faut on prendre était... vachement de recul, quoi. Ouais. Moi, c'est, j'ai du mal avec ça. Je suis très, très vite affectée. Mais pour venir à ta pièce pour enfants, oui. Qu'est-ce qui a fait que tu es arrivée à cette œuvre-là? Qu'est-ce qui s'est passé? Tu t'es rendue à la bibliothèque et oups, le livre est tombé. Non, en fait, c'est Elsa. Saladin qui... Ah oui, une femme très impliquée. Ouais. Okay. Hyper engagée. Je l'ai rencontrée l'année dernière. Ouais. C'est ça. Okay. Incroyable. Fantastique. Elle est arrivée en moto. Déjà là, arrivée en moto, c'est merveilleux. J'adore. Ouais. Je l'adore. On est très très copines. Ok. Et elle est dans l'association Janusz Korczak. Oui. Et donc, fan du type et tout ça. Et je... dans mon souvenir, c'est la mairie du 14e qui a dû lui faire un petit peu cette commande autour de Janusz Korczak. Dans mon souvenir, c'est ça, il faudra lui redemander. Et donc, elle m'a proposé la pièce. Et j'ai lu et je me suis dit, mais magnifique. Mais pourquoi toi? C'est la question. C'est pourquoi ça m'arrive à moi? Pourquoi moi c'est... Écoute, on... Elle connaissait ta sensibilité peut-être? Oui, je pense que c'est que je suis engagée dans ce que je fais, que la pédagogie autour des enfants, ça me passionne. Avant même que tu aies un enfant? Oui. Ouais, j'adorais ça. Tu gardais beaucoup de gamins. Ah oui, bah oui. Je faisais de l'animation. Ah oui, ok. J'adore. Ouais. Et qu'est-ce que j'adore les mômes. J'adore les mômes. Et donc, on t'a proposé. Donc voilà. Et tu es tombé par terre. Ouais, j'ai fait ok, c'est bon, on y va. On y va. Parce que quand mais il y a eu plusieurs versions. Ouais, on a l'adaptation, elle a mis du temps à se faire. Et après, on a rallongé. On a pris des. C'est quoi, c'est 40 minutes à peu près ? Oui, c'est ça. On a pris des petits témoignages de Janusz Korczak, d'histoires qu'il a vécues avec les enfants, et on les a rajoutés. Ah, c'est bien. Dans la pièce. Ah, oui. Et ça, c'est vraiment très cool. Ah oui, parce que ça donne un florilège. Il y a de l'ampleur, il y a plus d'ampleur, parce que sinon, c'est vrai que Blumka, elle racontait ce que vivaient ses copains et tout ça, mais il nous manquait, on avait envie d'anecdotes rigolotes. Oh, oui, c'est ça ventile un peu une histoire qui est dramatique. Bah, qui est dramatique, oui. Bah, non, elle n'est pas dramatique en fait, parce que Blumka parle de ses amis. Elle dit voilà, nous on est tous très maigres, on est très pauvres, mais ici tout le monde voulait venir dans notre école, parce que, enfin dans notre orphelinat. C'est-à-dire que les enfants, à l'orphelinat de Janusz Korczak, ils allaient à l'école, dans les écoles de la ville classique, et après ils rentraient à l'orphelinat. Et les enfants de l'école, ils allaient chez leurs parents et ils disaient « Non, mais moi, je voudrais aller à l'orphelinat. » Okay. Alors que, bon, a priori... Quand t'as des parents, tu vas avoir des parents. Ils vont bien avoir tes parents. Ouais. Mais, donc la pièce, tu vois, elle parle de ses copains qui vivent des choses, finalement, d'enfants. C'est-à-dire que c'est ce que je mets dans le... Un peu comme note d'intention en général, c'est que Blumka, c'est une petite fille ordinaire qui vit des choses d'enfant. Ordinaire. Ouais. Sauf qu'en fait, elle n'est pas du tout ordinaire. C'est extraordinaire. Mais pour elle, c'est ordinaire. Bien sûr. Ouais. Elle est dans un orphelinat avec un homme qui a une capacité à développer des choses pour les enfants absolument merveilleuses. Géant, quoi. Ouais, donc j'ai craqué. Quand on m'a proposé, bien sûr. Et tu as combien de pièces à préparer que tu joues cycliquement, des fois 3-4 fois par année? As-tu beaucoup de pièces comme ça qui sont... Ben là, je suis dans la période où tout vient de se finir. Donc, il faut que je relance tout pour l'année prochaine. Ok. Mais l'histoire, c'est que si tu as 3-4 pièces, par exemple, en fonction pendant l'année, et tu les joues 3-4 fois, est-ce que tu dois te retremper à chaque fois dans les dialogues, la mémoire? Est-ce que c'est compliqué? Non, on ne perd pas trop la mémoire, en fait. Tu te remets dedans, tu te replonges et tout ça, mais ça dépend combien de fois tu l'as joué. C'est sûr que 3-4 fois, par exemple, l'année dernière, je jouais une pièce qui s'appelle « Cut » de Emmanuel Blanc. Super pièce sur les femmes, paroles de femmes, mais crue sans être vulgaire. c'est pas trop craquer l'image. Sport posant d'avoir à jouer une page déjà tournée. J'ai le goût des mots de ta blonde, le goût de l'embrasser. Tu me vois dans ta tête comme un voyou. C'est pas tout. Personne, il n'y a plus personne. Mon âme qui s'affole en prenant son envol me laisse inanimé. Personne, j'ai besoin, j'ai personne. Mon être dégringole, tous mes sens m'abandonnent. Je ne sais pas si j'ai peur. Tu regardes d'en haut le corps de ton esprit, nos visages à l'envers, tout petit, tout petit. Plus personne, mon âme qui s'affole en prenant son envol me laisse inanimé. Personne, j'ai besoin, j'ai personne. Mon être dégringole, tous mes sens m'abandonnent. Je ne sais pas si j'ai peur. Je regarde d'en haut le corps de mon esprit, nos visages à l'envers. Dieu existe et qu'il t'aime comme tu.